The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Appointment. Le rendez-vous. Doctor. Le docteur. To hear. Entendre. Wait. Attendre. I do not mind. Ça m'est égal. Now, a bit faster. I do not mind. Ça m'est égal. To hear. Entendre. Wait. Attendre. Appointment. Le rendez-vous. Doctor. Le docteur. Now, use the words in context. Le rendez-vous. I have an appointment at noon with my brother. J'ai rendez-vous à midi avec mon frère. Le rendez-vous. He doesn't know the time of his appointment. Il ne connaît pas l'heure de son rendez-vous. Le rendez-vous. Why didn't you make an appointment? Pourquoi n'as-tu pas pris rendez-vous? Le docteur. The doctor prescribed me medication. Le docteur m'a prescrit ses médicaments. Le docteur. Can you give me the phone number of a doctor? Vous pouvez me donner le numéro de téléphone d'un docteur? Why don't you go to the doctor if you're ill? Pourquoi tu ne vas pas chez le docteur si tu es malade? Entendre. We hear all the noises coming from the street. Nous entendons tous les bruits qui viennent de la rue. Entendre. I didn't hear my alarm clock. Je n'ai pas entendu mon réveil. Entendre. Did you hear that shout? Tu as entendu ce cri? Attendre. I had to wait for 2 hours before meeting the doctor. J'ai dû attendre 2 heures avant de voir le docteur. Attendre. Why didn't you wait for me? Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Attendre. What are you waiting for? Qu'est-ce que vous attendez? You're the one that chooses for me. It's the same difference. C'est toi qui choisis. Moi, ça m'est égal. I don't have any preference. I don't mind. Je n'ai pas de préférence. Ça m'est égal. It doesn't matter. I'm happy in any case. Ça m'est égal. Je suis content dans tous les cas.